À toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 111e Vampire Freaks. C'est Spike qui débarque dans votre salon. Salut, c'est Spike. Et voilà, c'est la Vampire Freaks, c'est l'heure. Merci pour les bons retours que j'ai eu pour l'émission de la semaine dernière. J'espère que Kebra vous a bien renseigné. Voilà, donc cette semaine, pas mal de nouveautés et on va se faire plaisir. On commencera tout de suite avec Raffles of Death de Dinosaur Head. Ils sont brésiliens, ils sont sur Bandcamp et allez sur leur page Facebook. On continuera ensuite avec I'm the One en vinyle de Van Halen. C'est sorti sur l'album Van Halen, sorti le 10 février 1978. On retrouve Wolverine with the Devils, You Really Got Me et Feel Your Love Tonight, un classique de chez Classic. On continuera avec une nouveauté, No Regrets, le nouveau Accept. C'est sur l'album The Rise of Chaos, leur 15e album, sorti le 4 août 2017. On retrouve Die by Sword, What's Done is Done et The Rise of Chaos, un superbe album trash. On écoutera ensuite Rude Boy Train de Desmond Dekker. C'est sur l'album This is Desmond Dekker, sorti en 1969. On retrouve Sabotage, qui a été repris après par Alpha Blondie. On continuera, il y a aussi dessus Music Like Dirt et Unity, du son reggae culte. Et on finira ce bloc en live avec Far From The Fame de Sabaton. C'est sur l'album Heroes, leur 7e album, sorti le 16 mai 2014. On retrouve Night Witches, Smoking Snakes et Man of War. Fucking burn the stairs!

Vous êtes bien dans la 11e Vampire Fix. On vient de s'écouter Rifle of Death de Dinosaur Heads, I'm the One de Van Halen. On a écouté ensuite le nouveau Accept No Regrets. On a eu ensuite Rude Boy Train de Desmond Dekker. Et on a fini ce bloc en live avec Far From the Fame de Sabaton. On continuera cette émission avec une nouveauté, Brain, le nouveau Lebowski. C'est sur leur premier EP Liquidator, un EP 5 titres sorti dernièrement. On retrouve Brain, Haunting, Liquidators, Narrow et Why. Allez sur la page Facebook de Lebowski, ils sont aussi sur Bandcamp. On continuera avec une autre nouveauté, juste un vieux punk, le nouveau Panic LTDC. C'est un single d'un album à venir, des nouvelles très vite, ils cherchent des dates. Contactez-les sur Facebook et ils sont aussi sur Bandcamp. On continuera avec une autre nouveauté, ouais, il y a de la nouveauté cette semaine. Run, le nouveau Bice Project, c'est sur l'album Abyss of the Mind qui vient de sortir. On retrouve All That I Believe, Ink of My Eyes et Deep Inside. Ils sont français et ils font de l'excellent metal progressif. On peut les retrouver sur Facebook, Bandcamp, ils cherchent des dates aussi. Contactez-les, un petit like au passage sur la page Facebook, ça fait pas de mal. On continuera ensuite avec Shai Slibe de La Fée, c'est sur l'album Ring Fire, son quatrième album sorti le 2 juin 2009. On retrouve Icecalter Angle, Rising Ring Fry, Ish Binish, entre autres, un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Purin ne m'étonne de Tikenja Fakori. C'est sur l'album Live à Paris, sorti en 2008. On retrouve Le Balayeur, Africa à Paris, Viens voir, etc. Un superbe album. Je vois dans tes yeux Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Rien ne me donne laisser la lumière. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton or. Moi je t'aide à mettre le chêne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Il se tord que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandin. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé ma Africa. Ils ont partagé ma Africa. Ils ont partagé le monde. Paris. Ils ont balayé le monde. Ils ont balayé. Ils ont partagé le monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, rien n'est mieux. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Il se doit que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire. Une partie de l'empire Mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander. Aïe, aïe, aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur. Ils ont partagé le monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ils ont partagé le monde. Rien ne me doit. Rien ne me doit. Rien ne me doit. Ça va toujours Paris? T'inquiète, Tiken, ici au Siopui, il fait bien. On vient de s'écouter Ray, le nouveau Lebowski, Juste un vieux punk, le nouveau Panic Al TDC, Roy, le nouveau Bice Project, Shai Sliber de la Fée, et on a enfin fini ce bloc en live avec Plus rien ne m'étonne de Tiken Jafakoli jusqu'à la dernière seconde. Et oui, vous êtes toujours dans la 111e. On écoutera ensuite I Love Rock'n'Roll en vinyle de John Jett. C'est aussi le titre de son premier album solo sorti le 18 novembre 1981. On retrouve I'm Gonna Run Away, Love is Pain et You're Too Possessive. Et bien sûr, I Love Rock'n'Roll, du son culte. On continuera avec une nouveauté, Sonotone, le nouveau MC Solar. C'est sur l'album Géopoétique, sorti le 3 novembre 2017. On retrouve La Trap Nigo, Super Gainsbar et Géopoétique, un excellent album. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, et il y en a de la nouveauté cette semaine. Travel Alone, le nouveau Seymo, c'est sur l'album Pop Tier qui vient de paraître. On retrouve Never Down, Face et Pride. Ils sont sur Facebook, Bandcamp et YouTube. Allez faire un petit tour sur les pages et un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec Your Kiss is Sweet de Jacob Miller, c'est sur l'album Songbook Chapter a Day, c'est un best-of sorti le 14 septembre 1999. On retrouve Forward, Jaja Children, Standing Firm, Shaky Girl, entre autres. Il y a pas loin de 33 morceaux sur le best-of de ouf là. Et on finira ce bloc en live avec Hordes of Chaos de Creator. C'est aussi le titre de leur 12e album sorti le 13 janvier 2009. On retrouve War Cruise, Radical Resistance et Demon Prince, un excellent album. Machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing. Cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Singing.

feel the sand burn my skin, wild as a mad river, digging my dry fleshes to the bones, slaying them on an odd rhythm. Feels sucked from the inside. Yeah. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Your kisses by your meal and mine. Yeah. Ah, j'adore quand ça tape comme ça. Merci Creator. On vous êtes toujours dans la 11e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter I Love Rock'n'Roll de John Jett, le Sonotone, le nouveau MC Solar, Travel Alone, le nouveau Seymour, Yoki's Is Sweet de Jacob Miller et on a fini ce bloc en live avec Horde of Chaos de Creator. On continuera cette émission avec une nouveauté, la Rurale du groupe La Rurale. C'est le single d'un futur album qui sortira bientôt. Je les ai découverts dernièrement, c'est du punk français. Ils sont de chez moi et ils cherchent des dates pour les contacter. Contactez-les sur la page Facebook, mais moi j'ai des projets pour eux. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, une bouteille à la mer de Guérilla Poubelle. C'est sur l'album La Nausée, sorti le 1er décembre 2017. On retrouve Je ne possède que mon corps, Identité rigide et En marche. Ça fait plaisir de les retrouver. Allez sur la page Facebook de Guérilla Poubelle. Ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera avec Even With The Pills de Frustration, c'est sur l'album Empires Of Shame, sorti le 4 octobre 2016. On retrouve Just Wanna Hide, Mother Earth Sin's Egg et Cause You Run Away. Ils sont en tournée actuellement et ils cherchent des dates pour l'année prochaine. Allez sur la page Facebook si vous êtes une asso, tout ça, contactez-les. On continuera avec Slavery Day de Burning Spear, c'est sur l'album Marcus Garvey, son troisième album sorti le 12 décembre 1975. On retrouve Invasion, Love Good, Red Gold and Greed, du son reggae culte. Et pour la petite histoire, Marcus Garvey a été le premier véritable prêtre Rastafari en Jamaïque. Et on finira ce bloc en live avec Alto Front des Sales Majestés, c'est sur l'album Bordel in Live, sorti le 30 octobre 2000. On retrouve La Rage, Que Pont Toujours, Camarade, et un petit coucou à Arnaud Futur au passage. Thank you. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. J'entends rien là. Hey, j'entends rien, c'est assez important pour crier. Un jour ils viendront, si on résiste pas, qu'à la jeunesse, emmerde le Front National. Égalité des peuples, égalité des races, à ton Front National. Quand je vois la télé, j'ai envie de dégueuler. Son discours de facho me donne toujours la nausée. J'ai nommé Jean-Marie et sa bande de pourris. Oh eh oh, à ton Front National. Oh eh oh, et sa bande de chacals. Oh eh oh, à ton Front National. Oh eh oh, à la haine raciale. Ceux qui votent pour lui ont déjà oublié que ces gens ne savent pas ce qu'est la liberté. J'ai nommé Jean-Marie et sa bande de pourris. Oh, eh, oh, la topo nationale. Oh, eh, oh, et la bande de chacal. Oh, eh, oh, la topo nationale. Oh, eh, oh, alors, alors, alors, et le ressort. À Le Pen, à Maigret et compagnie. Oh, eh, oh. À Topon National. Oh, eh, oh. Et sa bande de chacal. Oh, eh, oh. À Topon National. Oh, eh, oh. À l'énoration. Oh, eh, oh. Oh, eh, oh. Oh, eh, oh. À Topon National. Oh, eh, oh. Et sa bande de chacal. Oh, eh, oh. À Topon National. Oh, eh, oh. À Topo National. Oh, eh, oh. À Topo National. Oh, eh, oh. À la haine raciale. Oh, eh, oh. À Topo National. Oh, eh, oh. À Topo National. Oh, eh, oh. À Topo National. Oh, eh, oh. À la haine raciale. À ton front, mort au con. À ton front. Merci, il nous reste encore un peu d'espoir. T'inquiète Arnaud, tant qu'il y a du noir, il y a de l'espoir. Vous êtes toujours dans la 111e Bumper Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter La Rurale de La Rurale, Une Bouteille à la Mer, le nouveau Guérilla Poubelle, Even With The Pills de Frustration, Slavery Days de Burning Spear et on a fini ce bloc en live avec Alto Front National des Sales Majestés. On continuera avec Who's Been Sleeping Here de Tough Darts. C'est sur l'album Tough Darts sorti en 1978. On retrouve Rats, Who's Been Sleeping Here, Here Comes Trouble est un de mes tout premiers disques 45 tours, je devais avoir 5-6 ans et vous savez quoi, je l'avais gagné à un jeu radio. On continuera avec Aretha Franklin et le fameux Think, c'est sur la BO des Blues Brothers sorti en 1980. On retrouve Give Me Some Loving, Sweet Home Chicago et Everybody Needs Somebody to Love du son culte. On écoutera ensuite une nouveauté, Behind the Mask, le nouveau Seminole, s'extrait d'un album concept à paraître des nouvelles très vite. On écoutera ensuite Lighthouse de Ziggy Marley, c'est sur l'album Fly Rasta, son cinquième album solo, sorti le 15 avril 2014. On retrouve I Don't Wanna Live on Mars, Fly Rasta et I Give Up. Et on finira ce bloc en live avec de Serge Gainsbourg, c'est sur Live au Casino de Paris en 95. On retrouve No Common, Sam the Boy, Sorry Angel, c'est mon album préféré de Gainsbourg. I need

Vampire Freaks, ça arrache. Ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques, très bons sons maison. Vampire Freaks, ça arrache. Hey sister, the emotions have gone cold, and the part of me is missing where the rivers used to flow. Hey mother, I know you must be sad to see that things are happening. I'll fix it if I can. I'm holding up the fire, lighting up the sky like a lighthouse on the ocean. Bring you home, all right. I'm holding up the fire, some things never change. Caesar's always Caesar, and that comes in today. Hey, Father, I sold you like a slave. Takes everything and gives nothing away. Hey, I'm holding up the fire, lighting up the sky like a lighthouse on the ocean. Bring you home. Des affres de la création. Pourquoi tu veux sûr, je suis pas Edgar Allan Poe. Manque de peau. Car pour ce qui est de la peau, et on là où on l'a pas de réponse. J'ai des doutes, j'ai le parfum. Ça ferait de la création. Parfait, tu veux pas si con. J'ai des doutes, j'ai des affreux. Ça ferait de la création. Parfait, tu veux pas si con. Non plus Arthur Rimbaud. Celui-là il devait faire un beau couple avec l'autre la merde. J'ai beau chercher, je trouve pas. J'ai des doutes, j'ai des affreux. Des affreux de la création. Quand tu veux pas si con. J'ai des doutes, j'ai des affreux. Si con. Celui-là pour les galets, faut se lever tôt. Je parlais d'Antonin Artaud. Ouais, le génie ça démarre tôt. Il y a des fois ça rend marteau. J'ai des doutes, j'ai des offres. Ça fait de la création. Affreux la création. Comprenne qui veut pas si con. On vient de s'écouter Who's Been Sleeping Here de Tuff Darts, Think de Aretha Franklin, Behind the Mask le nouveau Seminole, Lighthouse de Ziggy Marley, et on a fini ce bloc en live avec de Serge Gainsbourg. Cette 111e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission Rado. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur archive.org. Je filerai le lien la semaine prochaine. On finira cette émission avec Sunday Morning de Winston McAnuff. C'est sur l'album Nostradamus, sorti le 15 septembre 2008. On retrouve Mix Up Moods, Slave Drive et Nostradamus, et Set Us Free, du son à découvrir ou redécouvrir, parce que Winston McAnuff c'est quand même un vieux de la vieille et il est toujours là. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite et sur archive.org. Salut à tous et toutes, la tribu. Sunday morning.